naître sur la mer rouge. Pas une vague, rien ne bouge. Dessus la mer, un vieux cargo qui s'en va jusqu'à Bornéo. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays, moi voulu voir le grand bateau qui crache du feu et marche sur l'eau, et sur le pont moi j'ai dormi. Alors bateau, il est parti. Et capitaine a dit comme ça, nègre au charbon, il travaillera. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil. Moi pas vouloir quitter pays. Oh yo, oh, oh yo. Toujours plus loin au bout du monde, le vieux cargo poursuit sa ronde. Le monde est grand, toujours des ports, toujours plus loin, encore des ports. Et dans la soute pleure un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, y en a maintenant perdu pied. Et il y a moi très loin sur l'eau, et moi travaille au fond bateau. Toujours ici comme dans l'enfer, jamais plus voir danser la mer, jamais plus voir grand ciel tout bleu, et pauvre nègre malheureux. Monsieur bon Dieu, c'est pas gentil, moi pas vouloir quitter pays. Oh yo, oh, oh. Au bout du ciel, sur la mer est calme, dans la nuit claire, il voit des palmes. Alors il crie, c'est mon pays, et dans la mer, il a bondi. Et dans la vague chante un nègre, un pauvre nègre, un nègre maigre, un nègre maigre dont les os semblent vouloir trouer la peau. Oh yo, oh yo, monsieur bon Dieu, sois bien gentil. Amenez-moi dans mon pays. Mais viens bon Dieu, viens mon secours, moi pas pouvoir nager toujours. Pays trop loin pour arriver, et pauvre nègre fatigué. Ça y est fini, monsieur bon Dieu, adieu pays, tout le monde adieu.